Exposition de ce que les Jahmiyyah ont nié, qu'Allah ait adressé la parole à Moussa alayhi salam, par l'imam des sunnites, Ahmed ibn Hanbal. Nous disons aux Jahmiyyah, niez-vous qu'Allah ait parlé à Moussa? Ils répondent, Allah n'a pas parlé et ne parle pas, mais il a créé quelque chose qui s'exprima pour Allah. Il créa des sons qu'il fit entendre. Et ils prétendirent que la parole ne peut qu'émaner d'une cavité, une langue et des lèvres. Nous leur disons, est-il permis à une créature ou à un autre qu'Allah de dire « Ô Moussa, certes, je suis ton Seigneur » et de dire « Certes, je suis Allah, pas de divinité si ce n'est moi. Adore-moi donc et célèbre l'office pour te souvenir de moi. » Celui qui prétend cela prétend qu'un autre qu'Allah prétend être le Seigneur. C'est ce que les Jahmiyyah ont affirmé lorsqu'ils disent qu'Allah a créé quelque chose et que cette chose dit « Ô Moussa, je suis Allah, le Seigneur des mondes. » Et Allah, que sa louange soit magnifiée, a dit « Et Allah parla à Moussa et lui adressa la parole. Et il dit, et lorsque Moussa vint à un autre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, et il dit, je t'ai choisi d'entre tous les gens par mon message et ma parole. Ceci est textuellement dit dans le Coran. Pour ce qui est de leur prétention, Allah ne parle pas. Que font-ils du hadith d'Amash d'après Kaitma, d'après Abi ibn Hatim qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans qu'il n'y ait de traducteur entre lui et lui. Quant à leur prétention, la parole ne peut qu'émaner d'une cavité, d'une bouche, de deux lèvres et d'une langue. Allah n'a-t-il pas dit aux cieux et à la terre, venez de gré ou de force? Ils dirent, nous venons obéissants. Vois-tu les cieux et la terre dire avec une cavité, deux lèvres, une langue ou autre moyen? Et Allah dit, nous avons assujetti avec Daoud les montagnes qui nous glorifient. Vois-tu une cavité, une bouche, des lèvres et une langue? Et lorsque les membres du corps du mécréant témoigneront et diront « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Ils répondront « Allah nous a fait prononcer cela, c'est lui qui fait parler toutes choses. » Vois-tu que les membres du corps ont une cavité, une bouche, une langue? Mais Allah les fera parler comme il veut. Et Allah parle aussi comme il veut, sans le dire avec une cavité, ni une bouche, ni deux lèvres, ni une langue. Une fois que la preuve les étouffe, ils disent « Allah a parlé à Moussa, mais sa parole n'est pas lui. » Nous leur disons « Mais ce qui n'est pas lui est créé ?» Ils disent « Oui. » Nous leur disons « Alors vos propos sont les mêmes que vos premiers propos, sauf que vous faites semblant de chasser votre atrocité. » Le hadith de Zahri qui dit « Lorsque Moussa entendit la parole de son Seigneur, il dit « Seigneur, est-ce ta parole que j'entends ?» Il dit « Oui, Moussa, c'est ma parole. » Et je t'adresse la parole de manière à ce que tu puisses l'entendre. Et si je t'avais parlé plus que cela, tu n'aurais pas survécu. Puis il dit, et lorsque Moussa revint à son peuple, ils lui dirent, décris-nous la parole de ton Seigneur. Il répondit, Subhanallah, comment pourrais-je vous la décrire? Ils lui dirent, dis-nous ce qui y ressemble. Il dit, entendez-vous le son le plus doux du tonnerre? C'est comme si c'était pareil. Ce atar est faible, son isned comporte un inconnu. Nous disons au Jahmiyyah, celui qui dira le jour du jugement, « Ô Issa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités autres qu'Allah » N'est-ce pas Allah qui dit cela ? Ils répondent, « Allah créera quelque chose qui dira cela, tout comme il créa quelque chose qui parla à Moussa. » Nous leur disons, « Et celui qui dit, « Nous interrogerons ceux à qui ils furent envoyés, et nous interrogerons les messagers, et nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient. » N'est-ce pas Allah qui interroge ? Ils répondent, « Allah crée pour tout cela une créature qui parle pour Allah. » Nous leur répondons, « Quel grand mensonge, quel est le vôtre à l'encontre d'Allah, lorsque vous prétendez qu'il ne parle pas ? Vous l'avez comparé aux statues adorées en dehors d'Allah, car ces statues ne parlent pas, ne bougent pas, ne changent pas d'endroit. » Et dès que la preuve la vainque, il dit « Allah parle, mais sa parole est créée. » Nous lui disons « La parole des hommes est créée. Vous avez donc fait ressembler Allah à sa création, car vous avez dit que sa parole est aussi créée. Pour vous, il y eut une époque où Allah ne parlait pas, puis il créa la parole, tout comme les fils d'Adam ne parlaient pas, puis Allah créa leur parole. Vous avez donc réuni la mécréance et l'anthropomorphisme, et Allah s'est élevé au-dessus d'une telle description. » Nous disons « Allah n'a jamais cessé de parler. » Dès qu'il le désire, et nous ne disons pas, avant, il ne parlait pas, puis il créa la parole. Et nous ne disons pas, il ne savait pas, puis il créa le savoir, après quoi, il sut. Nous ne disons pas non plus, il existait, mais n'avait pas de force jusqu'à ce qu'il se crée sa propre force. Et nous ne disons pas non plus, il existait, mais n'avait pas de lumière, puis il créa sa propre lumière. Et nous ne disons pas, il existait sans être magnifique, puis il créa sa magnificence et devint alors magnifique. Alors les Jahmiya disent, si nous décrivons Allah de la sorte, et si vous dites, Allah est sa lumière, Allah est sa puissance, Allah est sa magnificence, alors vous dites ce qu'ont dit les chrétiens, lorsqu'ils disent qu'Allah est éternel et sa lumière aussi, et qu'Allah est éternel et sa puissance aussi. Nous leur répondons, nous ne disons pas qu'Allah et sa puissance sont éternels, ni qu'Allah et sa lumière sont éternels, mais nous disons, Allah est éternel, puissant et lumière, et il n'y a ni de temps, ni de comment à sa puissance. Ils disent alors, vous ne serez jamais monothéiste tant que vous ne direz pas, Allah existait et rien d'autre n'existait avec lui. Nous leur disons, nous disons qu'Allah existait alors que rien d'autre que lui n'existait. Mais si nous disons, Allah n'a jamais cessé d'avoir toutes ses descriptions, ne parlons-nous pas d'un seul Dieu et de toutes ses descriptions? Nous leur donnons un exemple. Ce palmier n'a-t-il pas un tronc, des fibres, des feuilles et de la sève? Mais son nom est unique. C'est un palmier, avec tous ses attributs. Allah aussi, il a les descriptions suprêmes dans toutes ses descriptions. Mais il est un Dieu unique. Et nous ne disons pas qu'à une époque, il n'avait pas de puissance. Car celui qui n'a pas de puissance est incapable. Et nous ne disons pas non plus qu'il fut un temps où il ne savait pas, jusqu'à ce qu'il crée le savoir. Car celui qui ne sait pas est un ignorant. Mais nous disons qu'Allah sait et est puissant depuis l'éternité. Et il n'y a ni de temps, ni de comment. Et Allah a nommé un homme mécréant. Son nom est Walid al-Mughira al-Marzoumi. Et il dit, laisse-moi avec celui que j'ai créé tout seul. Or cet homme qu'Allah décrivit comme étant tout seul avait deux yeux, deux oreilles, une langue et deux lèvres, deux mains et deux jambes et beaucoup d'organes. Mais malgré cela, Allah dit qu'il est tout seul, malgré toutes ses descriptions. Eh bien, Allah lui aussi a les descriptions les plus parfaites. Et malgré toutes ses descriptions, il est un Dieu unique. Fin de citation. Source, Raddu al-Zanadiqa de l'imam Ahmed ibn Hanbal, traduit par Mouahid.